12 août, et des anomalies. Oh oui, c'est vrai, anomalies, il y en a beaucoup hein, dans ce monde. Oh, surtout ici bas. Oh oui, mais je ne sais pas ici ou en haut, ici en haut. Non, bas. Bas la mesure et bas la raquette. Oh, c'est bien ça. Bas la mesure et bas la raquette. Ça serait peut-être une belle chanson de répondre. Bas la mesure et bas la raquette. Swing, swing, oui la raquette. Winnie, oui, hamma, hitte, hotte, ha. Ha ha ha, what the ha ha ha, what the fuck, arrête, ouais, les anomalies, il y en a partout. Ouais. Plus il y en a, plus on en trouve. Ben moins il y en a, moins on en trouve. Ben oui, comment ça? C'est la vie. La vie, c'est fait de tout, c'est presque de rien. C'est la chanson du quotidien. Les anomalies. 12 août. Nous sommes le 12 août. Oh mon doux, on a cherché le 12 août pendant 364 jours cette année. Oh oui. Ah oui, on l'a trouvé maintenant. Comment ça? Ben c'est là aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi vous cherchez le 12 août? Ben parce que je me disais, il y a le 13 août, il y a le 14 août, il y a le 15 août, il y a le 16 août, 16 août, il y a 17 août, il y a 18 août, il y a 19 août. Il ne va pas toutes les faire. Il y a 19 août. Il y a 20 août, il y a 21 août, il y a 22 août, arrête-moi ça, 23 août, c'est pas vrai l'émission, 24 août, ça dure 2 heures, là, ben oui. Alors on cherchait le 12 août, puis où il était? Ben il était parti, où? On l'avait illimité sur l'inanimité, on l'avait retiré, ben voyons, on voulait plus l'avoir ici, dans notre société. On trouvait que le 12 août là, perturbait le genre humain. Comme si le 12 perturbe. Le mois d'août, peut-être. Mais le 12, pauvre petit 12, c'est un 1 et un 2. Mais 2 plus 1, non, c'est 1 plus 2. 1 plus 2, 2 plus 1, 2 plus 1, attends un peu. 1, 2, 3. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Hey! Numérologie. 3, impair. Impair, impertinent. Oh, c'est ça, le 3 est impertinent? Oui. Le 12 l'est-il? Oui. Oui, mais c'est pas impair. Non, mais tu dois toujours additionner les chiffres 2 et 1. Ça doit faire une unité. Et c'est l'unité qui doit s'extrapoler à travers la paire ou l'impair. Oh, et puis est-ce que c'est la paire ou l'impair? Ben, le père ou l'impair, les pères. Mais 3, c'est impair, oui. Je vous salue, mon impair. Vous qui me cachez de la pluie. Vous qui cherchez la gouttelette partout, même sous mon nez. Je ne suis pas un de ces cervelés. Donc, j'ai dit, mais de l'alcool. Je ne suis pas un de ces cervelés. Oh! Qui cherche dramatiquement à couler. Oh! Je sèche depuis tant de temps. Je sèche et je suis bien content. Hey, c'est au pied, ça fonctionne. 12 pieds. Dans le derrière. Dans le devant. Aïe, dans le ventre. Dans le cœur de l'amour. Oh! Dans l'amour des mots. Mots. Mortellement atteint par le poète. La normalité. Oh, tu y reviens. J'ai mis un point final et j'ai attendu 3 secondes. Non, ben, Jean-Luc, on a calculé. Ouais, on a calculé et vous n'avez pas attendu 3 secondes. Ben, voyons, Jean-Luc, on a-tu attendu 3 secondes? Ouais, Ouais, bon, OK, il vient nous le dire. C'est lui qui compte tout. Il compte sur moi, il compte sur son avenir, puis il compte à m'envoyer du vent. Envoie-moi un peu de vent. Il fait chaud ici. OK, merci. Oh, si je me... J'enlèverais ce gaminet. Mais là, je suis filmé. Imaginez-vous les courriels. J'en reçois déjà parce que j'ai des propos quelquefois extrêmement virulents où j'envoie les gens dans tous les coins de l'improvisation et de la déstructuration de l'imaginaire. Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Hey, on veut pas être chambranlé. On veut pas se sentir bousculé par l'imaginaire. On veut être réconforté. On veut se faire chanter des belles chansons d'amour. On veut manger du yogourt, c'est bon pour la santé. Surtout pas de beurre, c'est bien gras. Mais c'est meilleur. Pas de viande non plus, ça bouche les artères. Que d'air son bœuf. Que d'air. Comment œuf? Que d'air le bœuf. Que d'air ma meuf. Oh, oh, oh! Alors, la normalité, ben, le meuf et bœuf, c'est pas très gentil pour les meufs. On le sait, mais c'est déjà pas très, très poétique, meuf. Le 12 août, c'est pas le 9. Faudrait demander aux meufs. Alors, j'ai jamais dit ça, ce mot-là, ce terme-là, Madame Tremblay. Voyons donc, me sentez-vous coupable? Ah, moi, je vous sens. Je vous sens, ça fait 3 jours que vous vous êtes pas essuyé. Ah, c'est vrai, je m'essuie jamais, moi, là. Hey, en dessous de la... Ah, mon... Hey, j'ai le front et... Calculez-moi la croûte frontale. Ah, mon, t'as bien du front. Merci beaucoup. Alors, la normalité, excusez-moi, tout le mot meuf m'a échappé de la bouche. J'ai jamais pris ça. Vous m'écoutez depuis combien d'années? Ah, au moins 20 ans. Oui, mais l'émission existe depuis 7 ans, mais j'ai fait de la radio communautaire à CKRL il y a 20... Ben, j'avais 19 ans. Ça s'appelait Citron et limonade. Citron, c'était l'émission du vendredi après-midi, fin de journée. Et par la suite, très souvent, je faisais la mise en onde pour Sors-moi donc, Albert. Émission culturelle. Et on recevait on peut le dire, sont morts peut-être, d'une overdose, des hurluberlus de hard rock metal. Et je me suis fait photographier dans une revue hard rock metal avec 2 pouilleux. Et à l'époque, j'étais coincé de la feuille, les cheveux bien coupés, là. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le vent qui me... Mais coupé, là. Rasé de près. Et on change avec la vie. La vie, la normalité, oui, monsieur. Mais je préfère actuellement ma façon de faire de la radio, quoi. Ben, c'est de l'anti-radio aussi. Alors, la normalité, les gens ont bien peur de ça, là. Hey, on écoute cette émission-là, puis on prend le chien par le capricorne, puis on a quelque chose qui nous turlute dans le ventre, puis on veut plus réavoir ça trop souvent. 2 heures de dose là, par semaine, c'est amplement, madame. Ah oh, oui, c'est beaucoup trop. Bon. Alors, la normalité, j'ai dressé, excusez-moi, les feuilles tombent. J'ai redressé, c'est l'automne. Dressons et redressons. J'ai écrit quelques noms qui dérangent. Alors, Charles Manson. Quand même, c'est assez anormal, ça, là. D'un autre côté, beaucoup plus artistique, d'une autre strate, d'une autre branche, Tom Waits. C'est assez inquiétant, Tom Waits, là. Tu rencontres ça dans la rue, une ruelle, là. Hey, une petite dame bien mise, là, avec sa petite sacoche, puis ses petits talons hauts, puis qui revient d'une petite soirée de danse en ligne, là, puis qui voit Tom Waits, là. Hey, c'est entre 2 poubelles. La madame a peur, là. La madame a chaud, la madame veut bien crier, mais elle n'a pas la luette disponible. Là. Elle veut crier, mais ça ne veut pas sortir, là, hein? Elle a les aigus passablement basses. Là. On dirait une brebis. Carton des Raoul Petit, le chanteur Carton, le leader de Raoul Petit. C'est inquiétant, ce gars-là, là. Rénal Gagné puis Carton, le haut, là, ensemble, là. Les gens fuient. On l'a même vérifié dans le 11e arrondissement là, il y a quelques semaines. On a mis le bazar là-dedans. Le monde criait. Pas que c'était là, un feu, mais on était bouillant, moi puis Carton. Là, Serge Gainsbourg, ça. L'anomalie est là, hein? Quelque chose qui se passe, là, hein? Patrick Dewaere, comédien français. Comédien intense, tellement intense qu'il s'est retiré cette intensité-là. pour plusieurs raisons que je n'aimerais pas ici. Dernière interview, ça s'est passé à Montréal, au Québec, à Montréal, avec Michel Jasmin, quand même intéressant. S'est tué quelques jours après. Jouait dans un film de Claude Lelouch. S'est rencontré, il a même tourné quelques scènes la même journée où il s'est extirpé de l'existence. Antonin Artaud, douteux Antonin Artaud, là. Poète maudit, qui fait de l'asile psychiatrique. Et sa mort est assez exceptionnelle. Il était nu. Il ne lui restait qu'un seul bas qui était presque retiré de son pied. Coluche! Hey, tu rencontres Coluche, là? Hey, monsieur Coluche! Oh, monsieur! Gentil gaillard, là, mais inquiétant au niveau du propos, là. Tu sais pas si... Moi, j'aime ça, là, mais la majorité, là... Oh! On préfère Céline Dion, hein? Ce n'était qu'un livre! Jack Nicholson! Hey, t'es en avant! Dans ta voiture, Jack Nicholson est en arrière! La lumière est rouge, mais lui, il y en a ras-le-bol qu'elle soit rouge, là. Puis là, il klaxonne, là. Il klaxonne après toi. Là, tu sais pas que c'est Jack, là. Tu baisses ta vitre. Hey, ouais, attends un peu, là, regarde, la lumière est rouge. Hey, Jack Nicholson débarque. Tu regardes dans ton rétroviseur. Tu te rends compte que c'est un malade avec une barre à clous qui arrive vers toi. Oui, bon, avance, ça va. Brise ta vitre avant. Ouais, Jack Nicholson. Adèle Hugo. Adèle H. Fille de Victor. Inquiétante, cette fille-là. Là. Très fragile, mais très intéressante au niveau de la poésie du propos. Tu la rencontres et oh! Tu ne sais pas si tu l'amènes prendre un café ou... Tu lui dis, va te reposer un peu. Un bourreau en action. Un bourré en action. L'action en action. Le « un » dans le « un ». C'est inquiétant, la vie. Errance rénaldienne aussi. Au revoir et merci. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Pour les nouveaux, léger. Faut que vous sachiez que pendant le monologue, c'est un personnage qui parle et pas moi. Un personnage. On s'entend là-dessus? Bon, à la fin de cette phrase-ci, je vais devenir le personnage et moi, je vous reverrai pour les saluts. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous. Et s'il y en a qui ont des problèmes de cœur, fermez les yeux quelques secondes parce que la transformation entre moi-même et le personnage, des fois, c'est un peu impressionnant.

La fonte des glaces libère l'héritage toxique de l'Arctique. Je ne savais même pas que les Arctiques étaient toxiques. Alors là, sans doute que dans les écoles, à la rentrée, on va nous dire que le, la, l'apostrophe, les sont toxiques. On ne doit plus les utiliser. Parce que ça va faire fondre les glaces. Plus de glace. Plus de cocktails. Mais voyons donc, toi, il n'y a pas juste des cocktails. Plus de glace. Plus de rafraîchissement. Oh! Plus de glace. Plus d'ours. Ça m'a l'air. Non, c'est polaire. Ça m'a l'air que c'est le polaire. Oui, oui. Alors, plus d'ours polaires. Oh! Ils ne seront plus populaires, les polaires, puisqu'il n'y en aura plus. Oh, c'est triste. Que c'est triste, polaire. Lorsqu'il ne l'a la polaire. Que c'est triste, Venise. Lorsqu'on a le... Monsieur le Président. Monsieur les patro-catholiques. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidents. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques. Oui, oui, oui, oui, oui. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Bienvenue. Oui, j'avais la petite garnotte au fond de la garnotte. La garnotte au fond de la garnotte. L'avez-vous, ça, madame? J'ai déjà eu, moi, à une certaine époque. Mon mari, Rainé, oui, m'a dit qu'il faut bien drainer. Ça menait le nez dans la cuvette, oui, et faire sortir le méchant, oui, la chose qui n'est pas gentille. Oh, ça, c'est très méchant. Tu plantes le visage près du bocal, oui, et tu fais comme le poisson. Oh, tu vocalises dans le bocal. Là, tu fais après ça le me, tu fais le re, tu fais toutes les gammes là, dans le bocal. Et si tu n'en as pas assez, ben tu prends un autre bocal. Alors, tu es entouré de local. Alors, il y a des bocaux dans les locaux, des locaux dans les bocals, les bocals sont dans le local. C'est très local, le bocal. Parce que c'est à l'endroit où tu te trouves. Donc, c'est localisé dans une chambre, par exemple, ou dans un espace clos. Ben, moi, c'est pas très clos, hein. On va demander. Non, on va. C'est facile, celle-là. Oh, tu l'aimes. Ben, quand c'est facile, tu l'aimes. Moi, c'est vrai. C'est un endroit clos. On va demander à Chloé. Oh, c'est clos, Chloé. C'est facile. C'est facile. Trouve-en d'autres. Trouve-en, toi. Trouve-en, mon insignifiant. Ouais, ressuscite l'humour. Eh, ben, c'est un pontage humoristique. Crise cardiaque. Plus de respiration. Mort de rire. Quelle belle fin. Bienvenue à la douce rénalité. À l'histoire finement improvisée avec moi-même. À Errance. Oui, monsieur. À Errance rénaldienne. Enfin. Oui, au sexe étrange qu'on ne connaît pas. À quoi bon faire cette émission? Oui, oui. Vous êtes un monsieur? Oui. Une madame? Vous êtes madame? Oui. Même lui, il n'est pas sûr. Monsieur, madame, vous êtes dans l'humanité? Oui. Mais je suis surpris d'être surpris. C'est un Québécois. Êtes-vous Québécois, monsieur? Oui. Êtes-vous Québécois, monsieur? Oui. Mais monsieur... Hey, c'est ça, l'entends-tu, lui, là? Arrête de crier, là. Êtes-vous Québécois, monsieur? Oui. Mais là, oui. Il se passe des choses en studio, là. Dernière fois que je vous pose la question, après ça, on va couper, là. On va faire quelque chose, on va passer à la musique. Êtes-vous Québécois? Oui. Mais il veut pas. Oui, ah, je sais pourquoi il veut pas. La cartouche est pleine. OK, on va l'avoir, madame. Il s'en rend pas compte. Oui. OK. Êtes-vous Québécois? Oui! Bon! OK, enfin! Merci! Quelqu'un de vivant? Vous êtes vivant? Oui! Bon! Fier de l'être. Vous écoutez Errance Reynaldienne? Oui! Vous êtes dans le feu de l'action? Oui! Vous brûlez? Oui! Bon! Bravo! Enfin! La flamme s'allume. Le Québécois se réveille. Il est minuit 25. Oh, c'est minuit 25. Tout le Québec, ça nous le réveille, ça. Là. Ça nous amène la ferveur d'exister, là. Ça montre à toute la francophonie qu'il se passe quelque chose ici, à Québec, là. Au Québec, là. Hein? Ça montre rien. Personne ne va le savoir. C'est la fin de la fin. La fonte des glaces libère l'héritage toxique de l'Arctique. Oh mon Dieu, Seigneur. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Hey, nous avons, depuis quelques semaines, un Français dans un milieu de travail, parce que je travaille un peu partout. Tu travailles un peu partout, c'est un peu partout. Oh mon Dieu. Et puis là... Le Français m'a dit que j'avais de la culture. Non, des connaissances générales. Pas de la culture, de la connaissance générale. Mais sans doute pour un Français que la connaissance générale, c'est de la culture ici. Je ne sais pas trop, là. Je n'avais pas le décodeur en mode français. Français de France. Mais quand même, ce que je tiens à souligner, ça va intéresser tout le monde. Prenez votre marqueur 3 pouces. Ah, mon Dieu, souligne avec le 3 pouces, là. Ça va tout cacher l'écriture. Mais peu importe. Important. Souligne. Oh. Souligne. Oh. Mais pas trop. Faut lire. Entre les lignes. Qu'est-ce qu'il faut lire? Que lorsque j'ai posé, parce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà travaillé à Paris, j'ai dit quel arrondissement. Puis là, il s'est reculé devant la question en disant oh là là, là il dit dans les 13 ans, oh là là, là, là. J'ai dit, hey, c'est pas à Paris, non? J'ai dit, c'est en banlieue. Là, il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, c'est la banlieue. Alors, c'est pas Paris. Paris, c'est pas la banlieue. Puis, la banlieue, c'est pas Paris. Quand j'habitais Villejuif, là, c'était pas Paris, c'était en banlieue. C'est exceptionnel, ce coin-là, là. C'est autrement, c'est plus... C'est dans une autre circonstance, c'est dans une autre vibration. Il faut pas mêler tout ça, là. Quand vous dites que vous habitez à Québec, vous habitez pas à Montréal. Si vous habitez à Montréal, vous habitez pas à Québec. Puis les gens de Montréal sont bien contents de dire qu'ils habitent pas à Québec. Et les gens de Québec aiment bien dire qu'ils habitent pas à Montréal. Mais l'absurde aventure de l'errance rénaldienne se trouve à l'instant. Non, mais hey, nous marcherons ensemble. Val-de-Rive, Val-de-Rive, Val-de-Rive, Val-de-Rive, Val-de-Rive, Val-de-Rive. Il y avait un rire, hein? Ma chemise à chanter. Le cœur joyeux, la pente au vent, je me mets à chanter. Ah oui, la faute est dans l'entend, il me met à chanter. Val de lit, Val de lit, Val de là, Val de lit, au toit de la la la la la la, Val de lit, au toit de là. Il se met à pleurer. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Et là, c'est dans la palette. Là, c'est la feuille la plus... J'ai changé. Là. Je me suis acheté une cartouche laser. Là, mais pour le moment, j'avais imprimé sur quelque chose d'assez... Enfin, c'est à l'interne. Là. Le public ne le saura jamais. Comment j'étais pour toi ce soir? Love me! Arrête donc. Ah, aujourd'hui, tu l'as fait. Aujourd'hui, le vendredi 12 juillet 2011. Le 12 août. Merci, monsieur. Vous nous réveillez. C'est comme s'il nous court-circuitait, hein? Il nous partait ça, là. Hey, c'est le pompeux. Êtes-vous un pompeux, vous? Oui! Bon, merveilleux. Aujourd'hui, le vendredi 12 juillet. Ah, j'ai-tu bien écrit? Oui, là, aujourd'hui, le 12 août. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Les gens n'ont rien compris. Mais c'est pas grave. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la photographe Marion Winsling. Ça va bien? Wow, moi ça va très bien. Et puis, depuis le début de l'émission, là, oh, c'est tout à fait divertissant. Il manque un peu de musique. Oui, hein, mais ça, c'est grâce à Marion. À Marion Runzninski. OK, qui? Mais Marion Runzninski vit le jour à Sèvres le 5 octobre 1976. Oh, elle est toute jeune. Ah, oh, elle est toute jeune. Toute jeune et toute frêle. 12 quoi? 12 août, oui! Non, elle n'est pas née le 12 août, elle est née le 5 octobre. Ah, 12 août! Veux-tu lâcher le 12 août, toi? 12 août! 5 octobre, 12 août! OK. 76. Aujourd'hui, elle habite à Paris avec son chat pirate. C'est le pirate Maboule qui a perdu sa boule. Mais son chat n'a pas perdu sa queue. Ni ses oreilles, ni son rouin. J'ai bien son chat pirate. Son chat fait ça comme ça. Et quand tu m'as vu, il a sauté sur moi. J'ai été attaqué par un chat qui s'appelait pirate. Et à bord de l'avion, j'ai été agressé. Aussi agressé. Non pas par un chat. Un chat pirate. J'essaie de trouver mon gag. Je trouve pas ma phrase. T'as pas eu ma gag? Je m'en souviens plus. Tu parles d'une mémoire, toi, là. Ça fond comme les glaces qui libèrent l'héritage toxique de l'article. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire, là? Ben, à propos du chat, c'est quoi? Le chat était m'attaqué? Je sais plus. Je sais que je vais me réécouter tout à l'heure, là, puis là, je vais me dire, ah, c'est ça que tu voulais dire. J'aimerais avoir un propos après, puis avoir un dégoût. Comme des DVD, vous avez des DVD, vous payez des DVD, vous avez des propos après des DVD, hein? Oh, qu'est-ce que t'as dit? Ben, quand tu regardes un DVD, oui, il y a l'histoire, il y a le film. Oui. Après, tu peux placer en option du commentaire du réalisateur. Ah, oh, ça, c'est bien. Alors, il t'explique comment le film s'est fait. Alors, le travelling, c'était le 12 août. Il faisait chaud. Marion était avec son appareil photo, la focale. Oh! Et nous foquions le chat. Le chien. Le chien, nous foquions le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions beaucoup de difficultés à trouver l'éclairage voulu. Quand Marion. Oui, adore! Marion, quand Marion. Elle va me tuer. Quand Marion me dit. Placez-vous au soleil. Et là, on s'est dit, même à 6, on n'avait même pas pensé à ça. Placez-nous au soleil. Alors, on se place au soleil. On a cuit pendant 2h15 parce que notre photographe préféré voulait avoir le bel angle. Là, j'ai dit, cherche-moi pas le bel angle. Garde-moi la face. Là. J'ai un visage défait là, qui est en train de tomber en lambeaux. Ça peut pas faire de belles photos. Retouche ça sur Photoshop. Prends ta photo, puis va travailler ça sur Photoshop, et attends-moi pas, là. Attends pas d'avoir un Alain Delon, moi, c'est Alain de loin. Plus c'est loin, moins c'est beau, là. Plus c'est près, plus c'est horrible. Alors, Marianne possède une maîtrise de photo. Moi, je n'ai plus de maîtrise sur moi-même, mais elle en a une en photo. À Yipolin, alias Paris, et 2 ans à London College of Printing, où elle fit qu'écumer les pubs. Elle photographia pour le magazine Addict, puis chez Rock Sound, et depuis 2004, elle se consacre au magazine Rock and Folk. Elle tira le portrait de ses chers hommes et femmes politiques, comme quoi elle tape large. Et elle tape large. Ah, elle tape large. Quand elle m'a tapé, là, je sentais plus mon visage. Puis elle sentait plus sa main. Elle avait la main rouge, j'avais le visage absent. Ah, oh, ça tape. Elle arrive rapidement à improviser une session de photographie en 5 minutes. Devant autant de conditions hostiles, c'est-à-dire hein, à minuit, à l'extérieur, un groupe tout bourré, elle se dit une pro de Photoshop. À son actif, elle compte Iggy Pop. Puis là, elle m'a dit que je pouvais pas expliquer qu'est-ce qui était parce qu'elle puis Iggy Pop, là, et c'est. Il fait son potager, Iggy Pop. Hein? C'est vrai, ça, c'est pas une blague. Là. Mais c'est pas elle qui me l'a dit. Chaque chose en son temps. Ici, DC, Tina Turner, Madonna, Iron Maiden, lors de sa tournée au Brésil, PG Harvey. J'aurais dû lui demander de l'embrasser en mon nom. Pourrais-tu l'embrasser, Marianne, en mon nom? PG Harvey. La bombe sexuelle à mes yeux. Excellent album là, cette année 2011. Incroyable. Vous allez l'entendre d'ailleurs en Sénédienne dans les semaines qui suivront si on ne me vire pas de CKRL, la radio par excellence pour les oreilles attentives. YouTube. Hey, elle a filmé, elle a pris des photos sur, de YouTube. Pas sur YouTube, mais YouTube. Bono, Bonnet, Bonnette, Bonnel. Ah, tous les membres de YouTube. Police, The Police. La scène rock parisienne au grand complet, les Fur Frenings of Montreal, Old Trash et beaucoup d'autres. Pas en train de me louer la langue, là. Je me la dénoue. Ce soir, pour Errance Renaldienne, elle vient flasher pour nous dans l'intimité et la confidence. Laissons la place à la musique présentement, car nous en avons besoin. Croyez-vous, monsieur? Oui! Ah, c'est... pour un artiste, bref. Ouais, vraiment, parce qu'en plus, on est arrivé à Rio vendredi soir, on était accueillis à l'hôtel par les attachés de presse, il y a Bruce Dickinson est venu nous dire bonjour. Un gentleman. Tout à fait, très gentleman. Et le samedi matin, ils nous ont fait visiter Rio, le midi, on était invités... Avec le groupe? Non, pas avec le groupe. Le midi, nous a invités à déjeuner au restaurant, un truc typiquement brésilien. Après, on était à l'avant-première du documentaire 666. Ouais. Et après le soir, on était au concert. Tout ça en VIP, super bien et les tout. Et le dimanche, après, on est parti à Sao Paulo dans l'avion du groupe, hein, piloté par Bruce Dickinson. Lui-même, en personne. Et c'était vraiment sympa, ça aussi. Après, à Sao Paulo, c'était complètement dingue, quoi. On était escortés par la police militaire entre l'aéroport, l'hôtel, la salle de concert et le retour à l'hôtel. Et après ce concert-là, on s'est retrouvés tous au bar de l'hôtel avec tout le groupe. Parce qu'ils étaient en day-off le lendemain, et du coup... C'était la fête, c'était clairement la fête. Et c'était assez marrant parce que j'avais été un peu malade dans l'avion. Okay.

les couleurs. Alors, pas de couleurs, que de pâle, pas de lilas. Est-ce que je l'ai déjà fait, ça? Oui, je l'ai fait. Je vais en prendre une autre. Je l'avais mentionné la semaine dernière. Fais-en d'autres, petite feuille. Là, il ne m'écoute pas. Oh, peut-être celle-là, c'est tunique. Peu importe, on la prend. Oh, brisé en deux. Brisé en deux. Oh oui, brisé en deux, ça me dit quelque chose, là. Première phase, c'est l'enterrement de mon père était un hamburger froid. L'enterrement de mon père était un hamburger froid. Ben oui! Imaginez-vous donc quand ce 12 août, pas le 12 août 2011, là, 12 août 1977. On s'en va dans un restaurant de mer rapide. Moi puis mon père. Puis mon père, quand il entrait dans un restaurant, qu'il soit rapide ou pas, pas mon père, mais le restaurant, ça y allait par là. C'est-à-dire qu'on ne riait pas et ça bougeait plus que la moyenne. Les serveuses se dandonnaient le dandonine. Le cuisinier se cuisinait le cocotine. Et la caissière, ben, se caissait la coquine. La petite coquine. Mais pendant tout ce temps-là, nous entrâmes. Oh, pas assez simple. Oui, nous entrâmes. Oh. Dans un restaurant de Texas, Tennessee. Oh. États-Unis d'Amérique. Oh. Lorsque Donald Reagan régnait. Oh! Donald Reagan régnait. Quand régnait Donald Reagan, c'était pas de la rigolade. Ton hamburger, il était cuit à point. Sinon, t'appelais Donald Reagan, tu disais, Monsieur Reagan? Oui! Monsieur Reagan? Oui! Bon, Serena, ça va bien, Monsieur Reagan? Oui! Bon, là, je suis au Texas, Tennessee. Est-ce que c'est un coin extraordinaire pour manger un hamburger? Oui! OK, M. Reagan. Heureux de vous entendre. Ça va bien là-bas? Oui! Est-ce que vous vous ennuyez du cinéma parce que vous étiez un grand comédien? Grand comédien, c'était nul. C'était merveilleux. Donc, les westerns que vous avez joués, John Wayne était-il de vos camarades de tournée cinématographique, Monsieur Reagan? Oui! Non, c'est pas vrai, Monsieur Reagan! Vous êtes un menteur. Je tiens à le dire, là, vous êtes un menteur. Que Dieu ait son âme et qu'il mange la mienne. Non, mangez pas la nana. Non, pas celle-là. Non. Non, monsieur, non, c'est pas un chien chaud. Non, mangez pas ça, monsieur. Oui, je sais, c'est tout petit. Oh, ça nourrit pas personne, ça. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur. Non, mangez pas ça, monsieur. Ah, c'est pas le temps. Oh, mon Dieu, y a pas de ketchup, y a pas de mayonnaise, y a pas de moutarde. Oh, Marianne, aide-moi, Marianne. Oh, mon Dieu, c'est un cauchemar. Prends pas de photos. Elle veut prendre des photos de ma mort. Elle veut voir quelqu'un manger mon Mando, je vous salue, Marie. Non, s'il vous plaît, Alors, Monsieur Reagan, s'il vous plaît. Oui. OK. Ça va bien, monsieur. Bon. Vous êtes un menteur, vous savez. Vous le saviez. Vous étiez en politique. C'est incroyable, hein, dans ce milieu-là, là. Alors là, je suis avec mon père. C'est pas le pire des pères, c'est le pire des pis. Non, les pis 3,1416, là. Mon père. Mon papa. Et puis là, on est à Texas, Tennessee, et on est dans un restaurant de mer rapide. On veut manger un hamburger. Est-ce que c'est possible, Monsieur Reagan? Oui! Bon, c'est merveilleux de savoir ça. Là, ça nous encourage à continuer. Alors là, il y a une waitress qui arrive vers nous, puis il nous dit... on comprend pas, on parle en français, on dit bonjour madame, elle nous dit oh, bonjour, hein, vous êtes française, non, on est québécois, vous êtes québécoise, on parle francophone, oh, vous êtes francophone, on est dans la francophonie, oh, au Texas, Tennessee, vous êtes dans la francophonie, ben oui, eh bien oui, nous avons servi hier, attention, Dick Rivers, et monsieur, oui, ensuite, on a servi aussi, attention, oui, Johnny Holiday. Oh, et ensuite? Ensuite, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Oh, mon Dieu. Et puis, Reynald Gagné et son père. Reynald Gagné et son père. C'est qui son père? Son père. Son, oh, bon, son père. Oh. Là, c'est maintenant, là. Ah, ben, c'est là, là. On vous sert, monsieur. OK, c'est maintenant, là. Ben oui, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Ben, on pense absolument rien, nous. Parce que là, mon père est pas bilingue, puis... Non, il parle pas français. Non, il veut pas. Il est très gêné, mon père. Mais je vais commander à sa place, là. On va prendre deux hamburgers. Deux hamburgers. Moi, c'est... Mon père, c'est oignon frit. Moi, c'est oignon cru. Ketchup dans les deux. Mais moi, c'est extra ketchup. Fait que... squeezez la... On veut du ketchup. Puis on va... Attends un peu, je vais demander à mon père s'il veut une patate. Tu veux une patate, papa? Papa, tu veux une patate? Oui? Une patate ben, frite, là. Une patate à deux. Okay. On va prendre frites à deux. Frites à deux, moi puis mon papa. Et donc, merci. Puis, attends un peu, mon papa. Tu veux une bière? Mon papa va prendre une bière. Moi, je vais prendre un Coca-Cola. Parce que je ne peux pas prendre de bière. Moi, je suis trop jeune. Hey! OK. Merci, madame. Puis là, elle nous arrive quelques minutes après, je parle avec mon père, on parle de la vie, puis c'est fait de tout, c'est fait de rien, puis on radote ce qu'on peut bien radoter lorsqu'on est un fils face à son père, et lorsque son père est face à son fils. Et puis là, les hamburgers arrivent. Ça faisait déjà quelques minutes qu'on attendait. Tout le monde était servi autour de nous autres. Il y avait des artistes, il y avait Willie Nelson, il y avait Johnny Cash, il y avait Johnny, il y avait bien du monde, là. Nous, on a passé comme des moins que rien. Moi, je disais, c'est Rénal des Rances Rénaldiennes. Ils comprenaient pas les Rances Rénaldiennes. C'est KRL. Et là, ça réagit quand j'ai dit c'est KRL, là. Mais je l'ai dit trop tard, moi, là. Une demi-heure après. Fait que ça a pris 15 minutes de plus. 45 minutes, les hamburgers étaient déjà prêts. Là, moi, pour mon père, moi, je mange mon hamburger. Mon père mange son hamburger. Là, à un moment donné, commence à être bizarre. Là. Mon père tombe à terre. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis à waitress, waitress, qu'est-ce qui se passe? Ah non, son hamburger était froid. Bon. Et puis le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est la mort du père. Hey, c'était comme vrai, hein? On avait peur. Peur pour le Père, peur pour le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen-le. Je t'aime, je te veux. Dans mes mains, dans mes jeux. Sans tout, je me sens vieux. Je t'aime, je t'en veux. Tu me trompes, je le sais. Ça me tue que tu le sais. Que si tu veux que je te dise, ça fait mal, ça me divise. Divise en quatre, divise en mille. Ton cœur a des fossiles. Je t'aime, je te veux. Dans mes mains, dans mes jeux. Sans tout, je me sens vieux. Je t'aime, je t'en veux. Je n'invaux rien, je le sais bien. Et moins que rien, je le sais trop bien. Mais quand t'es là, je suis heureux. Je suis chez nous dans tes cheveux. T'es mon trésor, mon or en bord. Je te changerai pas pour un gros char. Pour les billes. Je te jure que si tu reviens, au

J'aurais dû faire attention, m'assurer pour la vie, contre le vol puis la maladie. Faire la grève, la révolution, acheter un gun, un canon, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais moi, j'ai acheté des roses. Des roses! C'est 2 ans dans un frigidaire. Bien sûr, je manquais de rien. J'avais ma bouteille de lait tous les matins, mais c'est frais pour le corps, puis ça rend méchant un frigidaire. C'est elle qui avait les clés. J'avais le droit de sortir juste l'hiver, jamais après minuit. C'est dans ce temps-là que j'ai commencé à la haïr. Mélange de toutes les beautés et toutes les horreurs du monde. De Marilyn Monroe à Michel Richard. De Janis Joplin à Diane Dufresne. De Jane Mansfield à Juliette Huot. De Lise Payette à Dracula. Me pognant en gorge, buvant jusqu'à la dernière goutte de mon sang. C'est ça qu'elle était. Puis moi, le cave qui l'haïssait, je l'aimais, je l'aimais. Falloir un jour, toi la femme qui m'a tout donné, tout pris, tout redonné, puis tout repris, puis tu payes pour mon malheur. Va bien falloir que si tu veux, un bonjour que je te tue, morceau par morceau. D'abord, je vais tuer ta férocité, puis ta vanité, ta malhonnêteté, ta rapacité, ta perversité, ta frivolité, ton infidélité, ton hérédité, ton absurdité, ta partialité, ton immoralité, jusqu'à ce qu'il reste plus rien que ta virginité, ta féminité. Ta fragilité, ta divinité, ton éternité. Ouvre tes oreilles bien grandes, c'est à toi que je parle. Regarde ici quand je te parle, tu comprends, je te parle. Tête de plomb, approche, approche ici, minute, je te parle. C'est possible, regarde ça, je parle, elle me regarde même pas. C'est ça cette affaire-là. Tu qu'elle sort. Là, mais regarde-la aller. Viens ici. Je te parle, tête de blond. As-tu une tête de cochon, ça va là? Viens ici. Ben, y'a rien à faire avec ça, ça comprendra jamais. Eh ben, comme c'est vieux. Viens ici. Je te parle. Je parle. Je t'attouille que je parle. C'est pas toi que je fais ça. Hey. Comme le mentionnait Jim Morrison, hein, errance rénaldienne. Attention. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Hey! C'est pas vrai? Je te dis, moi. C'est Jim Morrison qui l'a mentionné. Errance rénaldienne. J'entends les passages cloutés, berçant les piétons sages, au rythme des feux verts, dans le désert des embouteillages. Irradié, voyageur immobile. Irradié, je suis le sage, le fou, le débile. Hey, je suis du village d'Idiot. J'entends les rumeurs de la ville. Oh. Compagnon des lézards obscènes, je déjeune à minuit. Des girafes rôties qui battent encore de l'aile sous le menton creux. au-dessus des sorcières malsaines. Des sons hallucinants qui font bondir les petits du tapis au fond des entonnoirs. Les soirs où sur eux s'abattent fièvre et cauchemar. L'elfe tout blanc, je suis le placide éléphant. Oh, qui, balançant sa trompe à travers la futaie, bouffe en rêvant les enfants du sable de rail. La fée qui d'un coup de baguette d'un abracadabra fera de moi éternel âme en peine un incarné. Sinon qui est rendu vide, je lance mes escouades d'éclairs, de brume et de mirage à l'assaut des galaxies. Merci au conquérant du vide, Jacques Higelin, le conquérant du vide, Jacques Higelin. Ah oui. L'errance rénaltienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, hein? C'est vrai, hein? C'est visuel. Ah oui. OK. Alors, cette semaine, lui, je l'aime moins, lui. Il est moins positif que le dernier, là. Est-ce que ça se passe bien? Ah, ça se passe très bien. Et vous, Mme Tremblay, ça va, les enfants ouais. vont... OK. Bon, cette... on a pris toutes les appels. Comment? On a pris toutes les appels. Oh. Appelez-le là. On l'appelle. Elle est sur la... Non, je veux pas dire un anglicisme. OK, alors dis rien. Oh, je ne dis rien. Non, je n'ai rien. Rien que dire. Rien que dalle. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « instruction ». Mieux vaut pas prendre les instructions à la lettre. Mieux vaut jeter la lettre qui nous donne l'instruction. Mieux vaut improviser. Mieux vaut viser l'âge que de s'inclure et s'engouffrer dans cette instruction qui nous amène toujours vers quelque chose de contrôlé. Soyons incontrôlables. Ça fait du bien un jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac. On peut s'endormir. Soudain, dans un glissement d'ailes, on voit pas le pays, où le lable bleu, l'aigle noir, dans un glissement d'ailes. Est-ce qu'on peut l'avoir, la glissement d'ailes? Oh, man, ça serait très bien. Après l'instruction, mais parce qu'il faut passer à la discothèque. La discothèque, je sais où il est, là, l'aigle noir, mais... L'instruction! On devrait avoir quelque chose pour, pendant une minute, là, fuir le micro, puis là, t'arrives, l'aigle noir. On n'a pas ça ici. On a instruction de suivre à la lettre les coordonnées de cette émission. Anarchiste, pamphlétaire, libertaire et non structuré. Ah, mais si c'est pas structuré, je peux peut-être... Non, tu ne peux pas. Il faut un minimum... pour atteindre le maximum. Oui, mais là, y a-t-il un minimum? Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de maximum. Il y a un maximum. Mais dans le minimum, dans le minimum, non, le minimum, non, le minimum, non, je vais dire oui. Il n'y a pas de minimum. Oh! Mais il y a un maximum. OK. Le minimum n'est pas à franchir et le maximum est atteint, est un crétin. Oh! Qui s'introduit dans l'instruction, qui veut suivre. Comme un petit robot, le code déontologique qu'on lui octroie dans la société. Petit mannequin, petit robot, R2D2. Comment? Non, R2D2. Oh! R2 péteux, péteux de brou. Tu es à nous. Oh, c'est bien, tu es à nous. Et avant de trouver... l'aigle noir dans un glissement d'ailes. Nous chercherons la musique qui nous portera vers le ciel. C'est beau! Tu es mon feu, ma vierge.

a mystery girl. And who's the one who wants to kick it on the floor and try to treat it like a scattered love? I'm talking about love. And I want to know. So you better tell me. What do you know? What do you know about love? Mystery girl. And who's the one who wanna kick it on the floor and try to beat it like a scattered rug? I'm talking about love. And I gotta know. So why don't you tell me? What do you know? Cause I wanna know. Oh, what do you know? What do you know about? Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Ça tournoie les ailes d'aigle. Oui. Près de moi, dans un bruit stamantel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur impie, et des plumes couleur de la nuit. Son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. Il m'est revenu. Dit l'oiseau, on dit en même de moi. Retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant. Blanc. Nouveauté, nouveauté, merci Barbara. C'était l'aigle noir comme je vous l'avais promis, mais pas au complet parce que nous sommes déjà dépassés par le temps. Le temps caresse les vagues bleues. Non, on va recommencer. L'aigle noir. Non. Madame, mademoiselle, messieurs, soyons sérieux. C'est une émission de variété, mais non pas une émission à varier. Différence. À varier, pas bon. Variété, rigolo. Depuis quand que l'on rit? Ben depuis le début là. Depuis quelle heure? Depuis minuit. Minuit? Ben minuit, minuit moins une. Oui, minuit moins deux. Minuit depuis un temps. Ok. Nouveauté, nouveau un temps qui ne prend pas le temps de s'évaluer lui-même. Oh, le temps ne prend pas le temps de s'évaluer lui-même. Oh, comme tous les temps. Le présent, le passé, le plus que passé, le plus que décomposé. Tu as tombé, oui. Dans le décomposé, toujours. Tu tombes dans le décomposé? Presque à chaque année, surtout le 31 décembre 2000, de chaque année. OK, 2000 quoi? 2000, ben moi, plus 2009-2010. Mais en 1999-2000, oh mon Dieu, j'étais décomposé, moi. Là. Oh, je jonchais le sol sous les maps de neige. Oh, trop de maps, trop de neige. Oh mon Dieu, je m'étais enseveli. Et quand le dain venit de tous les cieux, venu me chercher, j'appelais la souffleuse, non souffleuse, emporte-moi pas, car mes bras seront partir sans moi, la souffleuse dans un glissement de moteur, s'étouffa, je l'étouffais. Elle cherchait l'imparfait. Bon, OK, nouveauté. Puis là, le passé simple, c'était pas si difficile, mais l'imparfait, c'était trop parfait. Nouveauté, sort de ce corps, mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation nous consacrera aux esprits. Oh, j'aime pas ça. Oui, j'aime pas ça. Oui, j'aime pas ça. Est-ce que ça se passe bien? Non, ça se passe pas bien. Oui, j'aime pas ça. Nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec Cyril Collard. Je l'aime, moi, Cyril Collard. Ah ouais. Cyril, tu m'entends? Ah ouais. Bon, Cyril, c'est Rénal. C'est Rénal. Ah ouais. Bon, OK. Tu me reconnais? Ah. Ben oui, c'est Rénal. Ah. Bon. Hey, Cyril, ça va bien, toi? Ah. Bon. Écoute, je sais que je te dérange. Ah. Mm-hmm. T'étais en train de préparer quelque chose, un film, un roman, une nouvelle? Un album. Ouais, un album. Ouais. Cyril, je pense que je te coupe le sifflet puis que je te dérange là, dans ta création, donc je te laisse. Puis c'est juste une pensée pour toi, là, parce que j'aimais bien ce que tu avais fait puis j'aime bien ce que tu nous as amené sur la terre. Donc, roman, film, musique, poésie. Salut Cyril Collard! Virginie,

merci d'avoir écouté Errance Rénaldienne. C'était Rénal Gagné. Vous pouvez m'écrire à renaldquebec@hotmail.com. Vous pouvez être mon ami Facebook, Rénal Gagné. Vous pouvez être ami de l'Errance Rénaldienne sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Je ne suis pas là souvent. À la semaine prochaine. Et merci à vous. Bonne fin d'émission. C'était Errance Rénaldienne. Ils